sortaient les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont col roulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. C'est comme la première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo. Vous êtes sur le 107 FM. Vous nous suivez également sur le web www.radioguémozo.eu, ainsi que sur les réseaux sociaux. Un petit coucou au fan club des années bonheur. Bonjour le Québec. Bonjour le Maroc. Alors je fais un petit coucou à mon ami Denis Durand, bon, pour lui souhaiter un bon anniversaire, pas à lui mais à sa radio Hexagone FM qui a 5 ans. Alors longue vie à cette belle radio. Bonjour la Belgique et bonjour la Suisse. Nous sommes jeudi 15 mars, vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Je vous accompagne sur nos ondes jusqu'à 17h30 en direct et aujourd'hui pour une émission hommage à Claude François. Bonjour la technique, bonjour Marc. Bonjour. Ça va? N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio. Et n'hésitez pas à prendre la parole sur nos ondes en nous appelant au 03 29 62 40 40. Peut-être avez-vous des souvenirs, anecdotes et sur des concerts ou rencontres avec Claude François, parce que bien sûr, il a eu beaucoup de fans, bien sûr féminines. Mais bon, c'est, bien sûr, ça fait 40 ans, mais je sais qu'il y en a encore qui sont toujours restés fidèles à cet artiste. Et j'ai vu quelques publications sur Facebook, alors n'hésitez pas à nous appeler et puis à nous laisser une petite anecdote, ça serait sympa. Alors pour cette émission, bien sûr, je ferai un rapide condensé sur la biographie de Claude, puisqu'on en a parlé beaucoup sur les médias, télé et radio les jours derniers. Et j'ai choisi quelques chansons des années 60 et 70 que l'on diffusera dans un ordre aléatoire pour faire plaisir à tout le monde lors de ces deux décennies, avec bien sûr un petit commentaire sur chaque chanson. Voilà, alors donc, pour commencer, donc, Claude François, surnommé Clo-Clo, né le 1er février 1939 à Ismaïla, en Égypte, est mort accidentellement le 11 mars 1978, à l'âge de 39 ans, à Paris. C'est un chanteur populaire, producteur français, des années 60 à 60 et 70. Tout au long de ses 16 années de carrière, il fut l'un des artistes français les plus appréciés du public. Son succès et sa popularité ne se sont pas démentis après sa disparition. Nombreux de ses chansons sont restés dans les cours et les mémoires et dans nos cœurs, bien sûr, comme Belle, Belle, Belle, Cette année-là, Le lundi au soleil, Le téléphone pleure, Manila Forever, Alexandrie, Alexandra, ou bien sûr encore Comme d'habitude, qui était un grand succès et qui est devenu un succès international sur le titre de My Way, donc repris par Frank Sinatra, Elvis Presley et bien d'autres. À ce jour, je crois qu'il y a plus de 2000 reprises de cette chanson. Selon ses enfants, il a vendu 61 millions de disques, 35 millions de son vivant et 26 millions depuis sa mort. Il a enregistré plus de 330 chansons. Il a fait 1188 concerts, 74 concerts par année. Voilà ce que je voulais dire. Et on va commencer maintenant par une chanson. Alors, ça ne va pas tout de suite une chanson de Claude François. C'est une chanson de Karen Cheryl, une belle artiste des années 70 et 80, qui lui a fait un hommage. Donc, Karen Cheryl avait chanté avec Clo-Clo à la télévision. Et cette chanson reflète bien l'engouement pour tous les fans de Clo-Clo. Donc, on écoute « Je me souviens ». Voilà, un bel hommage de Karen Cheryl. Alors maintenant, on va écouter donc une première chanson de Claude François. Alors bien sûr, ce titre phare, Alexandrie, Alexandra, donc de mars 1978. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas.

les choses de cette maison. Te regrette autant que moi. Elles ne veulent pas croire que tu m'aies quitté. J'ai dit les choses de cette maison. Te regrette autant que moi. La seule différence c'est qu'elles ne savent pas pleurer. Tu sais les choses de cette maison. Voilà, les choses de cette maison. Adapté du titre, je vais m'appliquer parce que c'est en anglais. The Thing in the This House. Bon, il faudrait que je voie ma prof d'anglais. Donc, adapté encore par Vlyn Bugy et Claude François. Chanson qui parle à la femme de sa vie. Cette chanson sera numéro 2 pendant 8 semaines. 8 paras de Salut les copains. Elle restera un classique du répertoire de Clo-Clo. Ouais, même le chat qui s'ennuie. Alors nous, on se retrouve dans les années, de nouveau dans les années 74, avec ce titre, Le Mal Aimé. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Pourrait me dire qui je suis, et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, et ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi. Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé, je suis le mal aimé. D'où me viennent mes joies, et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi, car je suis mal aimé, je suis le mal aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer, ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies. Désespoir caché au fond de moi. Oh, je suis mal aimé, je suis le mal aimé. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Cette année 1974, Claude François a 35 ans. Depuis quelques mois, il accumule les problèmes d'énonciation fiscale, incendie de son moulin, séparation avec Isabelle, la mère de ses enfants. Il va en parler à son compositeur Eddy Marnay, qui va en faire une chanson autobiographique. Et il va retrouver pour la 9e fois de sa carrière la première place au hit parade de Salut Copain sur Europe 1. Voilà, on retourne dans les années 60, donc pour dire l'année 1965, avec ce titre « Même si tu revenais ». Un petit coin perdu, très loin de la ville, une route sauvage, sous un ciel tranquille, et cette grande entrée, au bout du chemin, je pousse la grille, et soudain, grande maison au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée, et puis sur la porte une petite pancarte où l'on a écrit à louer. Je souffrirai trop si tu revenais. Le vent s'est levé et là-haut premier, ce volet qui bat ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant cachait notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé et malgré moi j'attends, je t'attends encore et pourtant, pourtant même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais, je souffrirai trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'aimera jamais, je souffrirai trop si tu revenais. Même si tu revenais, je crois bien. La chanson extraite de son troisième LP, en juin 1965, écrite toujours en pensant à sa première femme Jeannette, pourtant amoureux de France Gall depuis 1964, sur une splendide partition, Claude François co-signe avec Jacques Chaumette un texte poignant. Voilà, qu'on vient d'écouter. On repart en 1974 avec ce titre, Chalala, hier est près de moi. En ce temps-là, j'attendais que passe à la radio les chansons que j'aimais bien. Je reprenais les refrains, j'étais si bien. C'était mon jeune temps et c'est tout près de moi. Où sont parties mes chansons? Et dans quel pays ont chanté ces amis qui me reviennent aujourd'hui? Tous mes chalala, tous les mots sont là. Près de moi, il y avait la nuit quand on voulait se voir, un vieux banc sous les tilleuls. Aujourd'hui, je suis tout seul à le revoir. Et dans le silence où mon cœur bat sans toi, il me reste mes chansons, ces vieilles amies fidèles et jolies qui me reviennent aujourd'hui. Tous les chalala, tous les de moi. Tous les chalala, tous les mots sont là.

je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Voilà, comme d'habitude, 1967, année charnière dans la carrière de l'existence de Claude François, quitté par France Gall, qui va lui inspirer l'une des rares chansons françaises à destinée planétaire. Arrivé au terme de son contrat chez Philips, le chanteur va décider de créer son propre label, les Disques Flèches. Tout le monde connaît l'histoire de cette chanson adaptée par Paul Anka, est reprise par de nombreux artistes, Frank Sinatra, Elvis Presley et d'autres. Alors j'ai dû me planter tout à l'heure sur une chanson, parce que là, c'est là, il existe plus de 2000 reprises donc de cette chanson-là. Donc je m'excuse, j'ai dû dire une bêtise tout à l'heure sur une autre chanson. On retrouve l'année 1969 avec ce titre « Douce Candy ».

simplement ne rien faire. Le lundi au soleil 1972, c'est Patrick Juvet qui a composé la... Patrick Juvet qui chantait la musica, qui avait fait un grand titre avec ça, et c'est lui qui a composé ce titre pour Claude François. Est enregistré le 27 septembre 1972 dans les studios CBE par Bernard Estardi, ingénieur du son bien connu dans ces années-là, pour ceux voilà, qui se souviennent. En janvier 1973, le titre atteint la première place du hit parade. Encore un gros tube pour Clo-Clo. On revient maintenant à l'année 1969. Voilà, on fait un petit peu flashback hein, pour que tout le monde puisse apprécier un petit peu les chansons de 70, les chansons de 1960. Et là, on écoute cette chanson « Si douce à mon souvenir ». Ta maison est ouverte à tous ceux qui ont du chagrin. Moi, chaque fois que je suis triste, je me surprends à chercher son chemin. Et tout le monde sait que jamais rien, jamais personne n'a pu, n'a jamais pu un jour me retenir. Tu es là pourtant sur les chemins perdus de ma mémoire. Tu es toujours si douce à mon souvenir. Je ne tiens pas à toi comme le lierre qui s'accroche autour des rochers. Et surtout pas parce que les gens disent que nous sommes faits pour nous aimer. Ce ne sont pas les promesses, les contrats, ni les mots d'amour qui chaque fois me poussent à te revenir. C'est pourquoi toujours sur les chemins perdus de ma mémoire, je te retrouve si douce à mon souvenir. Et malgré les distances et les océans et les champs de blé qui toujours nous séparent, malgré quelques filles toujours un peu tristes lorsqu'au matin je leur dis au revoir, je peux encore courir le monde, la pluie peut me mouiller et le soleil me brûler jusqu'à en mourir. Je n'irai pas sur les chemins où je ne peux te voir, te promener si douce à mon souvenir. Je ne sais pas si j'arriverai jamais un jour au bout de mon voyage. Et si jamais je me lasserai de changer tous les jours de paysage. Mais je sais qu'un jour je reviendrai quand je n'aurai plus la force de courir. Ta maison sur les chemins perdus de ma mémoire, et tu seras là si douce à mon souvenir. Voilà, si douce à mon souvenir. 1970, titre original, Gentle on My Mind. Bon, l'adaptation de ce succès country est si bien ficelée qu'elle deviendra en février-mars 1971, numéro 1 du hit parade du 7e. Le 7e pour Clo-Clo, pardon. Au galop, la chanson raconte l'histoire d'un homme qui, malgré ses aventures, retourne toujours se réfugier chez son unique amour. Oh, c'est beau. Nous retrouvons maintenant l'année 1972

les amoureux. Voilà, il fait bon, il fait beau. Soucieux de la solidité textuelle de ses adaptations, Claude François fait appel maintenant à Eddy Marnay en cette année 71 pour traduire les succès anglo-saxons dont il a récupéré les droits. Cette chanson est le titre phare du premier 45 tours, extrait de son 13e 33 tours. Voilà, maintenant on va repartir un petit peu dans le disco avec cette chanson « Je vais à Rio ». Rio de Janeiro, je prends ta main et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule, tu le fais qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Wow, wow, quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. Et l'on se jette dans l'eau bleue de l'océan. Que peuvent s'offrir sans argent ceux qui n'ont que des fleurs dans le cœur. Oh, oh, oh, quand tu souris, j'oublie le cri de Paris, je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. On s'envole et l'on s'invente des millions de gens qui chantent dans nos têtes. Oh, quelle fête! On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. On se lance dans la danse qui balance entre la vie et l'amour. Oh, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro, je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les timbales du carnaval. Oui, quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio. Voilà, donc on vient de terminer avec ce titre « Je vais à Rio », donc amis auditeurs, auditrices de Radio Gémozo, 107FM, amis qui nous écoutent sur le web. J'espère que cette émission vous aura plu, voilà, avec quelques florilèges donc, des chansons de Claude François que l'on n'oublie pas, qui tournent toujours bien sûr sur nos radios, et bien sûr, ben, comme on le disait, avec ce titre « Alexandrie Alexandra » qui tourne dans les discothèques. Voilà, toujours Clo-Clo est toujours là, d'actualité. Eh ben, je vous remercie pour votre fidélité.